Pas qu'à sa vie la vodka, à tes dents le caca. Mais va, c'est les putes sèches, mange, brûle d'impatience, ta larve me détend, je plonge à tête dans la soupe. Ça risque de chibrer tes billets, passe ton verlan, place tes berlans. Pour l'agiter toute fèche, prends de l'élan, peace and peace. Je remue la langue de Molière, ne tiens compte, ça plaît pas. Si je brise les codes de mon pote le plus proche, si aucun reproche. Contre je veux des liasses de piliers, car j'en veux à la justice de ceux qui reprochent, à ceux qui marchent à tête penche, je veux penser sur mon droit d'oublier. Contre je veux des liasses de piliers, car j'en veux à la justice, à ceux qui reprochent, à ceux qui marchent à tête penche, je veux penser sur mon droit d'oublier. Contre je veux des liasses de piliers, car j'en veux à la justice, à ceux qui reprochent, à ceux qui marchent à tête penche, je veux penser sur mon droit d'oublier. Sur mon droit d'oublier. Je veux des liasses de piliers, car j'en veux à la justice, à ceux qui reprochent, à ceux qui marchent à tête penche, je veux penser sur mon droit d'oublier. C'est mon 3W. J'ai pas le temps, je provoque, je râle comme un coq, je m'en fous. Je m'ennuie, je trompe et je méprise sans surprise. Comme l'amour et la crise, ma poule, je sors la gueule, dis-nous. Être sous comme un bou. Après la bête, je fais l'amour, puis je pourris dans un trou. Critique pique, l'ennemi cardiaque. Puis je passe à l'attaque, puis pire qu'un pirate qui bouffe la vie. Et parpille ma vie, les gars, qui vaut que dalle dans la journée. T'es blessé, regard volé, enfin violé. Sans émotion, au pire tu passes dans une émission. Pour les cons et les boifs, façon boss, cross très vaste, hélas. Ils s'en foutent, ils pourrissent nos soirées pour t'installer, de nous épater. Coup de grâce, 30% pour le paf. Et c'est et ça, la vie en noir, quoi. La vie en noir, quoi. La vie en noir. Contre je veux des liasses de billets, car j'en veux à la justice, à ceux qui reprochent, à ceux qui marchent à tête, pour que je veux penser sur mon 3W. Contre je veux des liasses de billets, car j'en veux à la justice, à ceux qui reprochent, à ceux qui marchent à tête, pour que je veux penser sur mon 3W. Contre je veux des liasses de billets, car j'en veux à la justice, à ceux qui reprochent, à ceux qui marchent à tête, pour que je veux penser sur mon 3W. Sur mon 3W. Sur mon 3W. Sur mon 3W.